sont malades, ils ont tous beau lutter. La vie d'Aloca de la fumée les a butés. Ça me fait rigoler, la mala les a cuits. Elles se baladent comme des droguées, se font tout tramer dans le quartier. Elles cherchent la grimpette dans le AMG. Si tu en manques de la moula, tu n'as qu'à demander. Ils sont où? Ils sont morts. Fumitise encore. Elle lui dit arrête mi amore. J'suis trop drogué. Drogué. Ils ont tous drogué. Drogué. Jusqu'à la moitié. Drogué. Ils ont tous drogué. Drogué. Jusqu'à la moitié. Où je meurs, les effets de la moula te rendent folle, ma sœur. Tu respires mal, t'es touché comme une balle dans le cœur. Si tu prends mon médicament, tu dors dans l'heure. Ouh, ouh là là, t'en veux encore, ouh là là. J'suis localisé, ouh là là. Ils sont tous drogués, ouh là là. Ouh, ils sont morts. Ils fument, ils disent encore. Elle lui dit arrête, mi amore. J'suis trop drogué. Font les gauches à la volonté. Pas besoin d'inventer. J'ai assez de moulins pour me la raconter. Mi amore, plus de monnaie. La vie de roi.